إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون قد شرعنا في بيان علامات النفاق في الأسبوعين الماضيين واليوم سنخرج عن موضوعنا هذا لمناسبة مهمة أو مسلمان nous avons commencé l'explication des caractères des hypocrites durant les deux dernières semaines. Et nous allons sortir de ce sujet aujourd'hui à cause d'une occasion importante. Qad alimtum annahu iqtarab yawm Ashura alladhi huwa al-ashir min shahri Allah al-Muharram. Et certes, vous savez que le jour de Ashura c'est certes rapproché. Ce jour qui est le dixième jour du mois Al-Muharram. Al-Muwafiq liyawm al-ithnayn al-qadim. C'est-à-dire lundi prochain. Wa siyamu hadha al-yawm farsatun 'azimatun li kulli man yarju Allah wa ad-dar al-akhirah. Et le fait de jeûner ce jour Ashura est une occasion exceptionnelle et grandiose pour toute personne qui recherche l'agrément d'Allah et la bonne récompense de la demeure finale. Akhraja muslimun fi sahihi an Ibn Abbas radiallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila an siyami yawmi ashura fa qala yukaffiru as-sanata al-madiya. L'imam muslim a cité dans son recueil, son Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé concernant le fait de jeûner le jour de Ashura. Il dit, celui-ci expie les péchés de l'année passée. Celui-ci expie les péchés de l'année passée. Fata ammalu fi rahmati rabbina wa kawnihi yuridu an yatouba alayna. Méditez donc sur la miséricorde de notre Seigneur et le fait qu'il veuille nous pardonner. Allah tabaraka wa ta'ala dit yuridu Allahu an yatouba alaykum. Allah veut vous pardonner. Walakin alayna bil asbab. Cependant, nous devons juste accomplir les causes. Ce n'est pas difficile. Nous devons juste accomplir les causes, ô serviteur d'Allah. ثم ينبغي أن تعرفوا يا أيها الإخوة والأخوات أن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. Et ensuite, il est important de savoir, oh mes frères et sœurs, que ce jour, le jour de Ashura, est le jour durant lequel Allah a sauvé Moussa face à Pharaon. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs recueils respectifs, selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, alors que les juifs jeûnaient. Il a donc demandé, quel est ce jour durant lequel vous jeûnez? Les juifs dirent, هذا يوم عظيم. Ce jour est grandiose. Les juifs on dit que ce jour est grandiose. Pourquoi? Najjallahu fihi Musa wa qawma wa gharraqa fir'auna wa qawma fa samahu Musa shukran fa nahnu nasumuhu. Et donc les juifs disent, c'est le jour durant lequel Allah a sauvé Musa et son peuple. Et il a noyé Fir'aun et son peuple. Alors Moussa a jeûné durant ce jour pour remercier son Seigneur. Alors nous aussi nous le jeûnons. C'est-à-dire, donc les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ » Alors nous sommes plus en droit, nous sommes plus méritants et plus dignes de Moussa que vous. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc jeûné et a ordonné de jeûner durant ce jour. Ayyuha al-muslimun, fi mashru'iyyati siyam hadha al-yawm 'ibarun 'azimatun yanbaghi lana an nata'ammalaha. Ô musulmans, il y a dans la législation, dans le fait que le fait de jeûner ce jour soit légiféré, il y a dans cela de grandes leçons à tirer. Et nous devons y méditer. Nous devons y méditer. Mada hasal fi hadha al-yawm? Que s'est-il passé durant ce jour? Limadha najjallahu fihi Musa wa qawmahu? Pourquoi est-ce que Allah a sauvé Musa et son peuple? Et pourquoi est-ce que Allah a noyé Pharaon? Allah tabaraka wa ta'ala, qui dit dans son livre, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْلَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ بِمَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Alors nous nous sommes vengés d'eux, c'est-à-dire le peuple de Pharaon. Alors nous nous sommes vengés d'eux et nous les avons noyés dans les flots à cause du fait qu'ils ont traité de mensonges nos signes et qu'ils n'y prêtaient aucune attention. Ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala yakussu alayna qisas al-umam al-madiya linata'assa bi ahli al-khayr wa najtanib min tariqati ahli al-shar. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite les histoires des peuples précédents, afin que l'on puisse suivre les gens de bien et nous éloigner des méthodes des gens du mal. Ceux-ci se sont donc détournés des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam kadhalika ja'a bi ayatin 'azima. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lui aussi il est venu avec des signes et des miracles grandioses. ومن أعظم هذه الآيات هذا الكتاب الذي اتخذناه مهجورا. Et parmi les signes les plus grandioses avec lesquels est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce livre que nous avons pris comme chose délaissée. هذا الكتاب الذي لا نفتحه إلا في شهر رمضان. Ce livre que nous n'ouvrons que durant le mois de Ramadan. Ou le jour du vendredi. Ou moins que cela. Ou un peu plus. Ya ibadallah, il n'est pas convenable que l'on n'accorde pas d'attention à ce signe venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car cela peut nous mener à cette même erreur commise par le peuple d'Israël. Le fait de traiter de mensonge les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb innahu huwa al-ghafur ar-rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن العبر الموجودة في قصة موسى وفرعون أن بني إسرائيل كانوا محكومين يحكمهم رجل ظالم يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لتبقى له الشوكة والقوة. Parmi les leçons à tirer de cette histoire entre Moussa et Pharaon, il y a le fait que le peuple d'Israël était gouverné par un homme injuste, Pharaon, qui tuait les hommes, les petits garçons, et qui laissa vivants les filles parmi le peuple d'Israël, afin que lui puisse rester fort et avoir le dessus sur eux. Allah tabaraka wa ta'ala dit, en citant la parole de Pharaon, « Senaqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun » Nous allons tuer leurs petits garçons, leurs enfants, et nous allons laisser en vie leurs filles, afin d'avoir le dessus sur eux et de les dominer. Fais-moi d'accord les Pharaons, fais-moi d'accord les Moussa. Qu'est-ce que Moussa a dit? Qu'est-ce que Moussa a fait? Hel nadakou mahou ila al-mudaharat kama narahu al-yawm. Est-ce que Moussa a appelé son peuple à faire des manifestations comme nous le voyons aujourd'hui? Est-ce qu'il les a appelés à se rebeller comme nous le voyons aujourd'hui? Est-ce qu'il les a appelés à accomplir des actes terroristes ainsi que des explosions? Est-ce que Moussa a appelé son peuple à cela? Pour avoir le secours, pour avoir le dessus, pour être sauvé? Kalla. Non. Allah tabaraka wa ta'ala dit, qala Moussa li qawmihi, ista'inu billahi wasbiru, innal arda lillah, yurithuha man yasha'u min ibadih, wal aqibatu lil muttaqin. Moussa a dit à son peuple, implorez l'aide d'Allah et patientez, soyez endurants. Certes, la terre tout entière appartient à Allah. Il l'accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et certes, la bonne fin appartient aux pieux. Ista'inu billah, implorez l'aide d'Allah. Fa innahu la najah. Illa bi'aunin min Allah. Car nous ne pouvons réussir sans l'aide d'Allah. Wasbiru. Il nous est obligatoire de patienter dans la difficulté. Patienter dans l'obéissance à Allah. Le fait de délaisser ses interdits. Et patienter face à tout mal qui nous touche. La terre tout entière appartient à Allah. Yatasarrafu fiha kama yasha. Il fait ce qu'il veut sur cette terre. La fin appartient aux pieux. Ceux qui font ce que Allah leur a ordonné. Et qui délaissent ce que Allah leur a interdit. Il n'est donc pas convenable, ô musulmans, que certains passent ce jour à jeûner, sans méditer à la raison pour laquelle nous jeûnons ce jour, et que le lendemain ou la veille, ils sortent manifester contre un gouverneur quelconque dans les pays musulmans ou à appuyer ces manifestations même si eux ne sortent pas manifester. نسألالله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن ينفعنا وأن يهدي المسلمين وأن يوحد صفوفهم إنه على كل شيء قدير. نسألالله تبارك وتعالى أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.